Ok, je suis mal, mon frère. Je suis mal. Trop de choses passent. Trop de choses vont mal. Je suis mal. Comme mon ami Bia, t'es parti. J'ai l'impression de plus avoir envie de vivre. Toujours ce sourire, ces voix qui me répètent, t'es mal à X. Fais les choses bien dans ta vie. Arrête tes conneries, ces histoires de drogue, ces histoires d'escroquerie. Est-ce une vie d'être incarcéré? Pourtant j'ai si mal, ressens ces coups de fouet, ça dure que Dieu fait. Je ressens les souffrances à travers d'un homme, à travers d'une femme. Trop de sang pour rien, trop de mort pour rien. Et si mal, comme maman se lève le matin. Cette fatigue qu'elle a, les cicatrices qu'elle a, seul Dieu lui rendra. Et si mal, père, si je reçu que la vie sera aussi dure. Quand je vois cher ami à la chaîne qui me raconte que son fils s'est jeté du quatrième. Des histoires de dette, des histoires de raquettes. Et si mal pour ses familles, quand leur fille allait au marché alors qu'elle va se prostituer. Et si mal. J'ai si mal, mais j'y crois pas. Mon cœur s'efface, seul dans le noir. C'est parti, ainsi va la vie. On se reverra, Inch'Allah. J'ai si mal, frère, trop de choses passent en même temps. J'ai dû lâcher l'école pour m'occuper de ma gosse. Ma femme est morte lors de l'accouchement, j'ai à peine 15 piges. Mais moi j'ai du mal à vivre. Père et mère m'ont foutu dehors. Je les ai salis, je les ai trahis. Ils m'avaient dit, fils, toi t'es un homme. Pourquoi veux-tu te marier avec une esclave? Je leur ai dit, même entre nous on est racistes. Pourtant on a la même couleur, la même religion et la même souffrance, frère. Passe-moi de 3 kills, que je me fous sur le terrain. J'ai un mot, putain. Frère, avant de mourir, elle m'a dit, ok, t'as bien notre fils, qu'il aille à l'école, qu'il apprend le Coran. J'ai dit que sa mère avait toujours le sourire. C'est lui qu'on s'aimait pour la vie. C'est lui qu'on s'aimait pour la j'ai vie. Si mal, mais j'y crois pas. Mon cœur s'efface, seul dans le noir. C'est parti, ainsi va la vie. On se reverra, Inch'Allah.